Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 1er décembre un message de félicitations à Faustin Arsène Jeutu Adérin, président de la République centrafricaine et chef d'État, à l'occasion du 58e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Le dessinateur y a exprimé sa certitude du développement continu des rapports d'amitié et de coopération entre la République populaire démocratique de Corée et la République centrafricaine, et souhaitait plus grand succès dans son travail pour la stabilité politique et l'union nationale du pays.